si j'avais en moi-même les ressources qui sont les tiennes, je serais sans doute un petit Mozart de la route. Tu es toujours là pour m'endormir, toi tu es bien là pour me sourire. Me guérir. Alors merci pour les jours et les nuits passés en ta compagnie. Musique. J'avais en moi-même ta force et ta puissance, j'aurais moins de peine à donner aux mots un sens. Parfois je suis là de m'endormir, parfois je me force même à sourire. Mais sans toi, alors merci pour les jours et les nuits passés en ta compagnie. Oh, musique.